Ma retraite. Solitude heureuse et champêtre, séjour du repos le plus doux, le printemps me ramène à vous. Recevez enfin votre maître. La jeune amante du zéphyr a ranimé vos tristes plaines, échappée de mes lourdes chaînes, comme elle, je vais rajeunir. Vous donnez à mes sens une nouvelle vie. Mon âme, trop longtemps flétrie, au rayon naissant du plaisir, déjà commence à s'entr'ouvrir. Ô maîtresse toujours plus chère, de ces lieux tu fais l'ornement, dans ces lieux tu fais sans mystère le bonheur du plus tendre amant. La simplicité seule orna mon ermitage. On ne voit point chez moi ces superbes tapis que la Perse, à grands frais, teignit pour notre usage. Je ne repose point sous un dais de rubis, mon lit n'est qu'un simple feuillage. Et qu'importe, le somme en est-il moins consolant? Les rêves qu'il nous donne en sont-ils moins aimables? Le baiser d'une amante en est-il moins brûlant, et les voluptés moins durables? Pendant la nuit, lorsque je peux entendre dégoûter la pluie, et les fiers enfants d'Orithie ébranler mon toit dans leur jeu, alors, si mes bras amoureux entourent ma craintive amie, puis-je encore former d'autres vœux? Qu'irois-je demander aux dieux à qui mon bonheur fait envie? Je suis au port et je me ris de ces écueils où l'homme échoue. Je regarde avec un sourire cette fortune qui se joue en tourmentant ses favoris, et j'abaisse un œil de mépris sur l'inconstance de sa roue. J'ai mis ce qui voudra sur le sort des humains. Trop fouables pour être coupables, ou trop méchants pour être pleins, ils ne valent pas les chagrins que laisse dans mon cœur l'aspect des misérables. L'humanité n'est qu'un abus. La haine est triste et trop pénible. Une indifférence paisible est la plus sage des vertus.